Le monde du hockey québécois et du baseball québécois également est en deuil depuis lundi soir, depuis qu'on a appris le décès de Denis Bayarger, qui était le président de la Ligue Midget 3, également vice-président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et qui est sûrement quelqu'un qui l'a bien connu, puisqu'il était président des élites de Jonquière, c'est Michel Simard. Bon après-midi, Michel. Oui, bonjour. Michel, évidemment, Denis Bayarger, pour les élites de Jonquière, ça signifie quoi? Écoute, d'abord, du côté personnel, ça fait quand même 11 ans que je suis avec les élites. C'est pas rien qu'un président de ma ligue, ça devient un ami. Hein? OK, ouais. Et même si je savais que Denis était malade depuis quelques années, c'est toujours un choc de l'apprendre. Ça signifie beaucoup pour les élites de Jonquière. Parce qu'il faut savoir que lorsque les élites, qui étaient les anciens Cascades, ouais, sont rentrés dans la Ligue de hockey Midget 3A, c'était Denis Bayarger qui était président. Ouais. Ça fait que ça veut dire beaucoup. Puis lorsqu'on a fêté notre 30e anniversaire, il y a deux ans, parce qu'on va prendre notre 32e année, lorsqu'on a fêté notre 30e, on avait honoré Marcel Maltais, qui était le président fondateur, hein, ouais, qui a amené la franchise ici à Jonquière. Puis, écoute, Denis t'a montré sa passion puis sa loyauté. Denis était très malade à ce moment-là, puis il m'avait dit, écoute, Michel, je vais être là, c'est le 30e, c'est Marcel, puis je vais être là. Fait que Denis est arrivé en chaise roulante avec sa bonbonne d'oxygène avec son épouse. Je me souviens, lorsqu'on a fait la présentation de Marcel, il pouvait même pas venir sur la glace. Fait que c'est pour te montrer comment ce gars-là était passionné. Puis comment les élites de Jonquière tenaient à cœur. OK. Justement, si on parlait des élites, faire du hockey en région, c'est beaucoup plus difficile que faire du hockey dans la région métropolitaine. Évidemment, la raison du transport et ainsi de suite. Là. Est-ce que, puis Denis Bayarger, c'est un gars qui demeurait, je pense, à Laval. Est-ce qu'il comprenait quand même la réalité des équipes des régions? Ah oui, effectivement. C'était un défendeur des équipes de la région. Écoute, effectivement, il savait que c'était pas facile, comme les grands centres. Puis il a toujours travaillé, il nous a toujours consultés. Il avait beaucoup de respect pour l'organisation de Jonquière. Puis il avait beaucoup de respect également pour Jocelyn Lambert, qui est gouverneur de l'équipe et qui siège sur l'exécutif de la Ligue, hein, sur les trois gouverneurs qui sont à l'exécutif de la Ligue. Puis Denis, il comprenait là, les particularités des équipes comme les nôtres, qui sont en région, comme tu viens de le dire, écoute, au niveau des transports, des coûts, toutes ces choses-là. Fait que Denis a toujours travaillé avec nous autres. Puis il avait tellement aidé à cœur. Écoute, dernièrement, la dernière fois que j'ai vu Denis, c'est au Brun des Champions, au mois de mai. Okay. Et lorsque je suis rentré dans la salle, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il dit, Denis Bayarger veut absolument te parler. Fait que je suis allé le rencontrer, puis il m'a dit, Michel, c'est le temps. Écoute, notre campagne existe depuis 30 ans, notre campagne là contre pour le sport et santé, la campagne contre les drogues, c'est le temps d'un gars dans la ligne nationale, c'est que tu penserais, on demanderait à Samuel Girard. Ah, c'est pour okay. te dire que, puis tu as vu par après, je pense, que oui. Samuel a été, lors de la conférence de presse d'ouverture de la saison, c'est Samuel, fait qu'à ce moment-là, il m'avait demandé, tu rentrerais-tu en contact avec, et oui, j'ai dit oui, puis je l'ai remercié, parce que c'était un honneur pour nous autres. Ça fait que, tu sais, pour qu'il pense à ça, et Denis, c'était comme ça. Puis Denis, il avait toujours des solutions. Il avait jamais... c'était un bon négociateur, c'était un gars intègre, c'était un passionné, c'était... Tu sais, quand les gens partent, on le trouve plein de qualités. Ouais, ouais. Et dans le cas de Denis, là, c'est pas des menteries. C'est un chic type... J'ai bien aimé travailler avec lui. Est-ce qu'il était, parce qu'on dit que depuis 2014, il était affecté beaucoup par la maladie, malgré, puis j'écoutais les reportages, les hommages qu'on lui rendait un peu partout dans les réseaux de Montréal, et on disait que même malgré la maladie, c'était un homme qui travaillait beaucoup, beaucoup. Bon, on va dire comme, on dit entre nous autres, il ne voulait pas lâcher. Hein? OK. C'était sa passion. Écoute, je pense que Denis, là, même avec sa chaise roulante et tous ses appareils qu'il s'habitonnait, je pense que pour... Il était... La dernière sortie officielle, il était au brunch des champions. Ah, OK. Denis était partout excepté cette année. Écoute, il était hospitalisé. Puis je pense que c'était la première fois qu'il manquait une grosse activité de l'équipe, de la Ligue, c'est-à-dire lors de la conférence de presse d'ouverture de la saison. OK. Dites-moi, est-ce que les équipes de la Ligue Midget 3 vont sûrement lui rendre un hommage? Il est encore trop tôt pour parler à ça, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un trophée qui pourrait porter son nom? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé? Ah, sûrement. Puis écoute, déjà, on nous a demandé. D'abord, ça a été incroyable. Là, au niveau des emails, mon téléphone, ça allait, ouais. On ne savait pas. Là, tous les gouverneurs étaient quand même. Puis écoute, les mots que les gens. C'était incroyable. Puis on nous a même demandé dans nos premiers matchs hors concours de garder déjà une minute de silence avant chaque match. On a demandé ça aux 15 équipes de la Ligue. Et je suis convaincu, oui, qu'il y aura sûrement un trophée des honneurs pour Danny Bayarger. C'est un grand bâtisseur. Autant au hockey qu'au baseball. Ben oui, pour le baseball, est-ce que vous avez, c'est sûr que vous êtes impliqué plus au hockey, mais au baseball, vous n'avez-tu entendu parler un peu de ce qu'il a fait pour le baseball aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu parler un peu? Ben écoute, on a un gars ici, nous autres, au Saguenay, qui est rendu à l'extérieur, Yvon Michaud. Oui, oui, oui, avec les voyageurs. Beaucoup. Avec les voyageurs. Écoute, Yvon, quand il a appris la nouvelle, était estomaqué, parce que je pense qu'Yvon ne savait pas que Denis était malade comme ça. Puis m'a envoyé un mot, m'a demandé des informations, puis il est déjà à Montréal pour pouvoir aller voir son épouse qu'il connaît très, très bien. Écoute, je pense que c'est ça, c'est au même juste un bon gestionnaire. D'abord, c'était un, comment est-ce qu'on appelle ça? C'était un conseiller en loisirs, je pense, à la un technicien de loisirs. Fait qu'il a passé sa vie dans le sport. Puis, tu sais, il y avait un mot que Denis disait toujours, le talent, tu sais, il me disait, je retenais ça, il disait, le talent, c'est un cadeau, tu sais. Mm. Mais de pouvoir percer au hockey, puis tout, ben écoute, ça prend le travail, l'attitude. Fait que, c'est pour te dire un peu comment ce qu'était sa philosophie. Ah ouais, c'est fait. C'était un gros travaillant, puis même au niveau, je te dirais, au niveau des commanditaires majeurs de la Ligue, c'est vraiment Denis qui représentait... la Ligue, je faisais des efforts pour essayer de diminuer les coûts des équipes. Puis, un gars qui a travaillé très, très fort. Ouais. Le Québec perd un grand bénévole. Oui, effectivement. Mais, en terminant, je vous pose une question sur Edith. La saison commence. Êtes-vous enthousiaste face à la prochaine saison? Bon, écoute, on est présentement en camp d'entraînement. Je pense qu'il y a eu, ouais, je pense pas, mais je sais qu'il y a eu encore des coupures cet après-midi. Oui. Écoute, les gars travaillent fort. Ils ont eu un bon camp d'entraînement bien structuré avec des conférences qui ont été très appréciées par les joueurs qui étaient au camp. Au moment où on se parle, il nous reste une vingtaine de joueurs. Okay. Mais il faut penser qu'il y a un repêchage encore vendredi, le repêchage d'équilibre qui existe dans les communes. Oui, c'est ça. Ben là, les gars vont descendre du majeur. Nous, on a su que peut-être un ou deux joueurs allaient descendre là, en fin de semaine. Ça fait que ça va brosser là, à la semaine prochaine, parce qu'il faut que ça se fasse rapidement. C'est l'entrée scolaire, ça fait que on essaye d'accélérer les choses, tout en pas se tromper pour prendre les bons, qui vont avoir un sentiment d'appartenance pour les élites, parce qu'on a une grosse saison, on a un gros défi. C'est nous qui avons eu le challenge Midget 3. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, pour 4 ans. Ça fait que, écoute, il y a un gros défi. Puis le 5 septembre, c'est notre tournoi de golf, puis ça brasse les élites. C'est en action depuis plusieurs mois, ça travaille fort. OK. Ben, Michel Simon, on va vous souhaiter une bonne saison pour les élites et évidemment, merci pour l'hommage fait à Denis Bayarger. Ça me fait plaisir. Michel Simon, le président des élites de Jonquière.